Revenons maintenant sur les verbes porte-manteau, comme werden, le verbe qui permet d'exprimer le futur. Werden est suivi d'un verbe à l'infinitif, placé à la fin de la phrase. Par exemple, comment diriez-vous « je le ferai »,« je vais le faire » ? Ich werde es tun. Ich werde es tun. C'est ça, avec l'infinitif tun en fin de phrase. Il y a un autre verbe porte-manteau qui ressemble à werden. C'est würden. Würden, ça s'écrit W-U-R-D-E-N. Donc, au lieu de werden, vous dites ü. Würden. Würden. À vous de le dire. Würden. Würden. Würden. Wir würden. Sie würden. Ich würde. Er würde. C'est la même forme pour il, elle, ça que pour je. Donc, on dit ich würde. Er würde. Sie würde. Es würde. Würden, avec tout verbe à l'infinitif, sert à exprimer une action que vous n'êtes pas certain de faire, une action au conditionnel. Donc, je le ferai, comme dans « je le ferai si j'avais le temps, si je pouvais, etc. » se dit « ich würde es tun ». De la même manière, comment diriez-vous « il le ferait » ? « Er würde es tun ». C'est ça. « Er würde es tun ». Et « il ne le ferait pas ». Er würde nicht es tun. Er würde nicht es tun. Mais vous entendrez plus souvent dire er würde es nicht tun. Comment diriez-vous nous ne le ferions pas? Wir würden es nicht tun. Wir würden es nicht tun. Vous voyez ici la différence entre nous ne le ferons pas, nous n'allons pas le faire, avec werden, et nous ne le ferions pas, avec würden. D'ailleurs, comment diriez-vous nous ne le ferons pas, nous n'allons pas le faire? Wir werden es nicht tun. Bien. Wir werden es nicht tun. Et encore une fois, nous ne le ferions pas. Wir würden es nicht tun. Bien. Wir würden es nicht tun. Et comment direz-vous cela ne sera pas possible ainsi? Es wird. Donc, cela ne va pas être possible ainsi. Es wird. Ainsi? Un ciseau? So nicht möglich sein. Es wird so, comme dans un ciseau, ainsi so. Es wird so nicht möglich sein. Comment diriez-vous cela ne serait pas possible? Es würde nicht möglich sein. Bien. Es würde nicht möglich sein. Donc, vous voyez bien la différence entre cela sera, es wird, et cela serait, es würde. Es würde.